Découvrez Les Voix de la Vallée, un podcast de Fabrice Hibert, produit dans le cadre de son exposition école La Vallée, présentée à la Fondation Cartier pour l'art contemporain jusqu'au 30 avril 2023. Retrouvez Emmanuel Coccia, Mario Dariussec, Guy Savoie, Paul Bepreciado et d'autres spécialistes pour des cours du soir menés en duo autour des thèmes de l'exposition. Un nouvel épisode à découvrir chaque semaine dès maintenant sur le site de la Fondation Cartier et sur les principales plateformes d'écoute. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. De Bruges à Lübeck, il y a du rififi chez les marchands de la Hanse. Quand le froid nous assaille, rien de mieux qu'un bon thé chaud. Mais pour ne pas se brûler, il faut prendre soin d'attraper la tasse par son anse. Mais alors, qu'en est-il de la Hanse au nord de l'Europe? Il y a quelque chose de germanique et de teutonique autour de la Baltique et un sacré coup de froid sur les relations commerciales. Rare curiosité au nord de Lübeck. La Baltique n'a pas résisté aux températures polaires qui ont sévi sur les côtes d'Allemagne. Sur des kilomètres, la glace interdit toute navigation. Une mer démontée semble s'être figée au coup de baguette d'un magicien. La Baltique, pour un jour, s'appelle la mer blanche. Nous étions en 1947 dans le journal des actualités françaises. La Baltique est gelée. Bonjour, Tobias Boestad. Bonjour. Déjà, on va dire où nous nous trouvons dès qu'il est question de la Hanse. Ici, la Baltique est évoquée. Ce n'est pas seulement la Baltique qui nous intéresse. Non, alors essentiellement, les villes de la Hanse se trouvent dans la Baltique, mais il y en a aussi qui sont plus au sud, enfin plus à l'intérieur des terres. Et puis surtout, les marchands de la Hanse sont actifs, en fait, donc à Novgorod, dans les pays scandinaves, mais aussi à Londres et à Bruges, au milieu du XIVe siècle. Oui, c'est un territoire assez vaste. D'ailleurs, on l'entend dans ce son, la mer Baltique, oui, est une mer qui peut geler. C'est pas facile de faire le commerce là-bas, et pourtant nous sommes à un moment où le commerce est florissant. Oui, alors c'est d'ailleurs pour ça que parmi les mesures qu'on retrouve de manière assez récurrente au sein des villes de la Hanse, il y a une fermeture hivernale de la navigation entre la Saint-Martin d'hiver et la Saint-Pierre, c'est-à-dire entre novembre et février. Il n'est pas possible de naviguer à ce moment-là. Donc, si l'on veut étendre au maximum le territoire qui nous intéresse aujourd'hui, on est d'où à où? Vous avez cité Novgorod. Ça se trouve où? Alors, Novgorod, ça se trouve, c'est une principauté, une ville qui se trouve en Russie. On est à 180 km de l'actuel Saint-Pétersbourg, qui n'existe pas à l'époque, à l'intérieur des terres, mais reliée à la Baltique par un réseau de cours d'eau que les Hanséates empruntent du coup dès le XIIIe siècle de manière assez courante. Et à l'ouest? Dès le XIIe même. À l'ouest, alors là c'est toute la question, c'est un sujet sur lequel je travaille cette année. C'est donc leurs principaux points d'attache sont à Londres et à Bruges, mais en fait on se rend compte qu'ils sont aussi présents dans l'Atlantique, à La Rochelle et jusqu'au Portugal en fait. Ils sont partout, mais en tout cas on sent bien que c'est un territoire qui dépasse largement la mer Baltique. Tobias Boestad, vous êtes agrégé docteur en histoire, vous êtes chercheur invité à l'université de La Rochelle, membre du collectif Actuel Moyen-Âge, il faut le souligner, formidable travail d'Actuel Moyen-Âge, et vous avez écrit pour le profit du commun marchand, la genèse de la Hanse, 12e siècle, milieu du 14e siècle. J'allais vous poser la question de la chronologie, mais c'est dans le titre de votre ouvrage, un publié chez Droz. On peut dire que c'est le 12e siècle que quelque chose commence à apparaître? Oui, alors dans le titre de ma thèse, j'ai retenu effectivement 12e siècle jusqu'au milieu du 14e siècle, c'est en quelque sorte la préhistoire de la Hanse. On commence à observer effectivement des groupements de plus ou moins cohérents de marchands allemands à Novgorod, à Londres, à partir du 12e siècle, qui, à force de cohabiter, vont faire prendre conscience à leur ville d'origine, en Allemagne, qu'elles partagent des intérêts commerciaux en commun, ce qui va pousser à partir du XIIIe siècle ces villes à coopérer de manière de plus en plus étroite et pérenne, et ce qui va les conduire à institutionnaliser leur coopération au sein de la Hanse à partir du milieu du XIVe siècle. Mais ensuite, c'est une histoire qui se prolonge jusqu'à l'époque moderne, et je pense que l'autre intervenante en parlera. Bah oui, parce que vous avez dit que ces marchands de la Hanse vont jusqu'au bout du monde. Ben, nous, dans le cours de l'histoire, nous partons jusqu'à La Réunion. Bonjour Indravati Félicité. M'entendez-vous? Bonjour, je suis désolée, je ne vous entends pas très bien. Vous êtes à La Réunion, alors c'est loin. Oui, je crois que la distance est un petit peu plus difficile à franchir qu'on ne l'a cru. Alors, de votre côté, comment vous pourriez définir ce qu'était la Hanse ? Alors, depuis l'époque moderne, qui est mon domaine de recherche, la Hanse, c'est une créature hybride. Et c'est d'ailleurs ce dont l'accusent les marchands anglais, dont on reparlera tout à l'heure peut-être, de la fin du XVIe siècle, qui disent que c'est un crocodile qui a pris la forme d'un marchand. Donc, ce serait une créature indéfinissable entre l'association économique, l'acteur politique qui signe des traités diplomatiques, une sorte d'acteur opportuniste pour l'Europe moderne. C'est un crocodile, j'aime bien. Oui, hein, le crocodile creature merchant. Non, mais parce qu'on voit en plus la longueur du crocodile qui correspond à la longueur du territoire qui est, alors j'allais dire occupé, mais le mot est lourd de sens, qui est le terrain de commerce de la Hanse. Dites-moi, j'en profite de vous avoir, Tobias Boestad, pour bien comprendre au Moyen-Âge ce territoire-là, nous parlons des mers, la mer du Nord, la mer Baltique, les terres, il y a des villes, bien sûr, on les cite. À qui appartiennent ces territoires ? Alors, c'est une question intéressante. En fait, il faut bien, quand on parle de territoire, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que les villes sont souvent autonomes à ce moment-là. Ce sont des villes qui sont soit allemandes, soit dominées par des élites germanophones, mais qui s'inscrivent dans des territoires qui ne sont pas forcément allemands. Quand on pense à Danzig, Gdańsk. Bon, aujourd'hui, on est en Pologne. À l'époque, on est dans un territoire dominé par l'ordre teutonique. Quand on est sur l'île de Gotland, à Visby, bon, c'est une île qui est partagée entre Scandinaves et Allemands, mais dans des campagnes majoritairement scandinaves. Quand on est dans les pays baltes, on a une minorité allemande, presque une forme de situation coloniale, en fait, avec des élites allemandes qui dominent des peuples estoniens, lettons, qui en grande partie asservis. Mais donc on est à chaque fois dans des territoires qui ne sont pas forcément allemands, où les Allemands constituent une minorité parmi une majorité de Slaves, de Baltes. Et alors, sauf du coup en Allemagne historique, où effectivement on a des provinces qui sont tout à fait allemandes. Ces territoires, ils appartiennent soit à l'Empire qui est à cette époque très morcelé en petites principautés qui peuvent être... Certaines villes relèvent directement de l'empereur, comme Lübeck, mais d'autres sont soumises au duc de au prince de Mecklembourg, de Poméranie, à des princes slaves de Poméranie aussi. À l'ordre teutonique pour les villes prussiennes, donc Gdańsk, Torun, Elbląg, et à la branche livonienne de l'ordre teutonique pour Riga ou Tallinn. Oui, il y a plein d'autorités. Donc il y a le Saint-Empire romain germanique d'un côté, il y a l'ordre teutonique. Vous rappelez ce que c'est, ça, parce que c'est quelque chose, le mot teutonique, ça évoque tout de suite énormément de souvenirs. Ah, les teutons, c'était quoi cet ordre-là ? Alors c'est un vaste sujet, mais c'est en gros un ordre religieux militaire qui était à l'origine implanté en Terre Sainte, mais qui s'est reconverti dans les croisades du Nord pour l'évangélisation des Prussiens et des peuples baltes, et qui du coup, a constitué une sorte de principauté théocratique en Prusse, dont l'apogée est au XIVe siècle. Oui, donc on parle plein de langues, j'imagine, dans cet espace-là. Mais enfin, une langue commune, c'est le commerce. Oui, une langue commune, c'est le commerce. Et la langue du commerce dans cet espace-là, c'est non pas l'allemand, mais le bas-allemand, en fait, qui est une sorte d'ensemble de dialectes qui... aujourd'hui serait considéré comme plus proche du néerlandais. Voilà, c'est ça. C'est un monde qui est très intéressant parce que on sent cette vigueur commerciale. Quels sont les produits qui sont échangés ? Alors, il y a beaucoup de produits. Le produit d'entrée des marchands allemands dans ce commerce, c'est le sel qu'ils produisent à Lunebourg, c'est le blé, la bière. Mais après, ils vont aussi commercer tous les produits qu'ils vont se procurer sur les différents marchés. La laine qu'ils achètent en Angleterre, les étoffes de luxe qu'ils achètent à Bruges, les épices aussi qu'ils achètent à Bruges, qui est vraiment la plaque tournante du commerce à cette époque, les cabillauds, poissons séchés qu'ils achètent en Norvège, le hareng surtout qu'ils achètent sur les foires de Scanie dans le royaume de Danemark, le cuivre, le fer suédois, le bois et les fourrures et la cire russe. On sent bien que cette ville de Bruges joue un rôle essentiel dans cette construction commerciale, une sorte de carrefour. À Bruges, le jour de l'Ascension, se déroule la procession du 500. Elle évoque chaque année, depuis 8 siècles, le retour des croisades du comte Thierry d'Alsace. La tradition veut qu'il en ait rapporté des gouttes de sang du Christ, relique présentée par ce cortège à la vénération de la population. Chaque scène est jouée par un groupe représentant un corps d'artisans ou de marchands. Les consuls de Florence présentent la mort de Saint Jean-Baptiste. Les marchands de la nation anglaise présentent l'entrée de Jésus à Jérusalem. Ceux de la Hanse teutonique jouent la nativité de Jésus. Les marchands et la ville présentés sur la troisième chaîne de la télévision française en 1981. Le défilé des consuls à Bruges. À Bruges, on trouve tout le monde. Il y a toutes les nationalités, j'utilise un mot pour simplifier les choses, mais toutes les origines. Oui, c'est vraiment la plaque tournante du commerce au nord des Alpes, en tout cas. Tout le monde se retrouve là, tout à fait. Et donc, Bruges, commerce, Bruges fait partie de la Hanse ou pas ? Non, alors ça c'est une confusion qu'on fait souvent, on associe la Bruges à la Hanse, mais il faut bien distinguer en fait les villes de la Hanse, qui sont donc des villes allemandes et dont les marchands coopèrent et cohabitent sur les différents marchés étrangers. Bruges, c'est un comptoir de la Hanse, c'est-à-dire que la ville elle-même est une ville flamande qui ne fait pas du tout partie de la Hanse et même s'oppose régulièrement à la Hanse, mais les Hanséates y ont l'un de leurs plus importants points d'attache dans ce qui est pour eux l'étranger, du coup, dans la ville de Bruges. D'accord, ok. Donc je vois se dessiner un panorama, mais dans ce que vous nous dites là, Tobias Boestad, il y a donc cette ville de Bruges et il y a une organisation de ces villes de la Hanse. Ils se connaissent ces gens-là ? C'est une organisation réfléchie avec une volonté politique ou c'est quelque chose qui se met en fait peu à peu en place simplement par les échanges commerciaux et les relations humaines ? Alors, ça se met en place clairement par les relations humaines et les échanges commerciaux. D'ailleurs, c'est assez intéressant de constater que les premières fois où on voit apparaître le terme de Hanse allemande, le terme ne correspond pas vraiment à quelque chose institutionnellement parlant. C'est presque un slogan, une sorte de d'éléments rhétoriques qui visent à marquer vers l'extérieur l'unité des marchands allemands. Et c'est seulement dans un second temps que les marchands allemands vont se demander, et les villes allemandes vont se demander, bon, exactement, qu'est-ce qu'on met du coup dans ce concept de Hanse allemande ? Quel type de coopération ? Et donc c'est une institution, une organisation qui va se former sur le temps long et paradoxalement, plus elle a tendance à se rigidifier, cette organisation, moins elle va intéresser les différentes villes qui étaient intéressées justement par le côté assez lâche de cette coopération. Indravati, félicité. Oui, on date souvent la fin de la Hanse de l'année 1669. Donc au cœur de l'époque moderne, lors de la dernière diète hanséatique qui rassemble uniquement 9 villes. Et on considère que la fin de ce fonctionnement institutionnel signifie également la fin de l'organisation hanséatique. Et l'un des facteurs souvent évoqués pour expliquer cette fin, ce serait celui du manque de solidarité. Donc on a une historiographie très moralisatrice concernant la Hanse et son déclin. Néanmoins, on constate qu'à l'époque moderne, la Hanse connaît une survie éclatante dans les traités internationaux et la diplomatie. Donc Louis XIV lui accorde des traités, les Anglais, les Néerlandais également. Elle figure dans des documents constitutionnels de l'Empire. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il faut peut-être dissocier le fonctionnement de la Hanse de cet aspect institutionnel. La Hanse, le fonctionnement de la Hanse ne repose pas forcément sur un fonctionnement institutionnel qui garantirait une efficacité dans le commerce. Il faut plutôt dissocier ces deux dimensions. Oui, il n'y a pas d'institution, pourtant il y a, alors je ne peux pas dire un imaginaire, c'est pas ça, mais en tout cas une lecture évidente de ce qu'est la Hanse, pour le dire autrement, la Hanse, pour ceux qui font du commerce au Moyen-Âge, c'est une évidence, c'est incontournable, on sait ce qui se passe là-haut, il y a des réseaux de commerce, vous avez, Indravati, félicité, déjà eu cette volonté de nous mettre au régime en évoquant la diète. C'est quoi cette diète? Parce qu'il n'y a pas d'institution, mais on évoque une diète. C'est quoi? Oui, alors c'est une forme de prise de décision commune qui existe dans le Saint-Empire romain germanique, dont on a parlé tout à l'heure, et qui se retrouve à tous les échelons, à tous les niveaux de l'organisation du Saint-Empire. Donc on a aussi bien une diète impériale au niveau supérieur, convoqué par l'empereur, avec des représentants de ses vassaux directs, qui sont les princes d'empire, les villes d'empire, les chevaliers. Et puis, ensuite, en descendant, on a des diètes à tous les niveaux. C'est une sorte de souveraineté feuilletée qui s'organise par la prise de décision à des niveaux descendants. Et les diètes, les villes de la Hanse, pardon, elles aussi ont pris l'habitude, à partir de 1356, de se réunir en diète et de prendre des décisions. Alors, avec une spécificité qui est intéressante, c'est que les décisions prises par une diète peuvent être révoquées par la diète suivante. Donc, on retrouve cette flexibilité. Voilà, l'idée que l'institution n'est pas là pour instituer pour l'éternité, mais c'est la flexibilité du marchand qui est importante. Et donc, les villes envoient leurs représentants, souvent à Lübeck. Il y a 170 diètes jusqu'à la dernière de 1669, 170, 172 diètes. Et le nombre de villes est très fluctuant, le nombre de villes qui se font représenter dans ces diètes. Donc on voit bien là aussi le pragmatisme des villes qui ne tiennent pas forcément à être liées pour l'éternité à cette alliance hanséatique. On entend cette idée de feuilleté. Moi, j'aime beaucoup ces métaphores culinaires au moment d'évoquer la diète avec la souplesse. Tobias Boestad, c'est vraiment ça aussi, hein, la Hanse. C'est extrêmement souple, en fait. C'est quelque chose qui est difficile à saisir, mais ce qui fait aussi la force de cette organisation. Oui, parfaitement. Dans cette construction-là, vous avez quand même plusieurs acteurs. Parce qu'il y a des marchands. Un marchand tout seul, il ne fait pas grand-chose. Oui, vous avez en soutien de ces marchands, donc ceux qui se retrouvent à la diète, c'est-à-dire les consuls des différentes villes, les consuls, c'est-à-dire les membres du conseil municipal de ces villes, qui se retrouvent à la diète pour prendre des décisions. Cela dit, il ne faudrait pas opposer trop rapidement les deux, parce que souvent, ces consuls, déjà, se connaissent entre eux d'une ville à l'autre, et donc se revoient régulièrement à la diète, et changent probablement aussi de manière informelle sur leurs affaires, parce que ces consuls ont souvent fait fortune par le commerce, sont issus de familles qui sont impliquées dans le commerce depuis des générations. Donc en fait, le parcours assez classique, c'est de commencer sa carrière en tant que marchand, et puis ensuite pour les marchands des familles les plus de l'élite, de finir par sa carrière de manière politique dans le conseil municipal. Ouais, parce que on le sent bien, hein, que le politique est mêlé au commercial dans cette histoire-là, mais c'est indissociable. En fait, il n'y a pas une lecture comme on pourrait avoir nous aujourd'hui. C'est complètement naturel. En fait, ceux qui ont le pouvoir, ce sont les grands marchands. Oui, en grande partie. Dans cette histoire-là, on a un territoire extrêmement vague. Hein, on l'a dit, on peut aller complètement à l'est de la mer Baltique et puis s'étendre jusqu'à Londres, au moins, parce qu'on pourrait aller beaucoup plus loin avec des villes majeures. Il y a Lübeck, il y a Danzig, il y a Brunswick et puis il y a Cologne. La bonne ville de Cologne ne manque pas d'eau. En dehors de celles qui tombent souvent du ciel, il y a bien sûr d'abord celle-ci, l'eau du Rhin, ou celle-ci encore, la Kölsch, la bière locale. Et puis enfin, il y a celle-là, qui, à la différence des deux premières, sent bon, et qui est plus connue des amateurs sous le nom de 4711. La 4711 est un bel exemple de ce que peut produire la coopération entre les Européens. Il y a deux siècles, en effet, c'est un moine italien, Jean-Marie Farina, chimiste, voire alchimiste, qui transmet à Ferdinand Mullens, un commerçant de la ville, le jour de son mariage, le secret d'un élixir dit de jouvence, sur les propriétés supposées duquel il ne serait sans doute pas convenable de s'étendre. Lorsqu'en 1794, des soldats français occupent Cologne, pour une bonne dizaine d'années, ils numérotent toutes les maisons de la ville. La fabrique du sieur Mullens reçoit le numéro 4711. C'est sous ce label que l'astucieux commerçant entreprend alors de vendre son élixir qu'il transforme en parfum pour échapper à une loi de Napoléon obligeant de révéler les formules de tout médicament. Voilà, alors l'association des différentes eaux de Cologne, très bien, sur TF1 1992, Tobias Boestad, c'est surtout ce qui nous intéresse, la coopération en fait. C'est une histoire commerciale bien sûr, mais c'est une histoire bancaire aussi. Enfin, pour armer des bateaux, il faut de l'argent. Et être seul pour armer un bateau, c'est difficile, faut s'associer. C'est en cela que la Hanse permet d'avoir des réseaux extrêmement serrés, très très complexes en fait. On arrive à percevoir un peu comment le commerce se construit dans cet espace-là. Alors c'est une question intéressante parce que cela dit, on a souvent l'impression justement que le commerce hanséatique, en tout cas à la fin du Moyen-Âge, se construit avec très peu de capitaux, très peu de circulation de capitaux, et c'est d'ailleurs ce qui l'oppose au commerce des grandes firmes italiennes qui effectivement développent un secteur bancaire important. Ce qui marche beaucoup et ce qui va permettre aux marchands hanséatiques de s'enrichir, c'est le crédit. En grande partie. C'est donc il y a très peu d'argent qui circule, enfin en espèces. Souvent, c'est les hanséates savent, enfin tiennent les comptes et savent combien ils ont, peuvent convertir leurs marchandises en argent quand ils le veulent, mais c'est les marchandises qui circulent plus que l'argent. Bon, ça y est, on a un beau panorama quand même de ce qui se passe à ce moment-là au Moyen Âge autour de la mer Baltique et puis même au-delà, hein, dans la mer du Nord, avec évidemment, puisque ce qui nous intéresse sont les guerres économiques, des rivalités. Alors ces rivalités, c'est entre qui et qui? Donc la Hanse d'un côté et de l'autre côté. Alors de l'autre côté, ça dépend effectivement, mais il y a une rivalité qui se dessine notamment à Bruges, non pas pour pour la suprématie, mais de manière très concrète, les marchands allemands sont présents à Bruges. Ils y ont ce qu'on appelle des privilèges, c'est-à-dire un document qui liste les conditions selon lesquelles ils sont autorisés à commercer à Bruges, mais ces privilèges, souvent, ils les gardent jalousement et ils font attention à ce qu'ils soient respectés. Or, justement, au milieu du XIVe siècle, mais à d'autres époques aussi, on constate, enfin, ils considèrent que ces privilèges ne sont pas respectés, que les Flamands prélèvent des taxes indues, donc des douanes, des péages. Visiblement, ils auraient introduit une nouvelle taxe pour avoir le droit de réparer son bateau à Bruges. Les hanséates sont très mécontents. Visiblement aussi, ils prélèveraient une accise, donc une taxe sur le vin et la bière, mais une accise pour consommer leur propre bière, c'est-à-dire celle qu'ils importent eux-mêmes. Donc, encore une fois, ça suscite le mécontentement. Puis, des histoires d'officiers flamands qui abusent de leur pouvoir. Un officier de pesage qui met sa main dans la balance pour faire peser les marchandises plus que de raison. On est au début de la guerre de Cent Ans aussi, donc il y a des répercussions à Bruges où c'est très polarisé. Il y a les comtes de Flandre qui sont plutôt favorables au roi de France, alors que l'opinion publique est plutôt favorable au roi d'Angleterre. Et dans ce contexte-là, les marchands hanséates sont régulièrement en conflit avec des Anglais et estiment que les Flamands prennent systématiquement le parti des Anglais contre eux. Donc tout ça, ça va susciter un grand mécontentement au sein des marchands de la Hanse. En 1358, les hanséates sont mécontents. Nous, consuls des villes de Lübeck, Goslar, Hambourg, Rostock, Stralsund, Wismar et Brunswick, au nom de notre tiers de tous les marchands de l'Empire romain d'Allemagne et de la Hanse allemande qui ont coutume de se rendre à Bruges en Flandre, ainsi que les consuls de Thorn et d'Albing, au nom de leurs villes et des autres villes de Prusse, nous sommes réunis à l'étage de l'hôtel de ville de Lübeck en l'an 1358, le jour des saints martyrs Fabien et Sébastien. Et ensemble, nous avons adopté et fait écrire les règles ci-dessous. Que chaque ville doit veiller à ce qu'aucun de ses bourgeois ou quiconque de la Hanse allemande ne quitte son port pour faire voile vers la Flandre, à l'ouest de la Meuse, ou ne vende sa marchandise aux Flamands. Tous les marchands d'Allemagne qui sont dans la Hanse allemande doivent quitter la Flandre d'ici la Saint-Philippe et Jacques, et ils ne devront pas y retourner tant que nous n'aurons pas trouvé d'accord. Dans le cours de l'histoire, c'est Alexandre Manzanares qui est consul de la Hanse et qui réalise aussi l'émission avec aujourd'hui la technique Florent Bujon, 1358. Mais que se passe-t-il? Quelle est cette décision, Tobias Boestad? Alors, c'est une décision qui est prise, par, on l'a entendu, par les délégués consulaires de 9 villes d'Allemagne du Nord, qui décident de retirer leur commerce de Bruges jusqu'à nouvel ordre et jusqu'à ce que leurs revendications auront été entendues. Cette décision, elle fait suite à un conflit qui couve depuis plusieurs années. Déjà en 1351, les Hanséates avaient menacé de se retirer. Les Flamands avaient concédé, avaient répondu à certaines de leurs revendications, ce qui fait que les Allemands étaient finalement restés. Il y a eu de nouvelles médiations en 1356, puis de nouveau en 1357, mais en 1358, donc, il apparaît qu'il n'y a plus d'autre solution. Les Allemands se retirent de Bruges. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a entendu 9 villes. Ce qu'on a vu pendant la plus tôt dans l'émission, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de villes. Donc, d'où vient ce mandat des 9 villes pour parler au nom de toutes ? Eh bien, certaines, on a l'impression effectivement que certaines de ces autres villes ont donné effectivement leur mandat aux 9 présentes à Lübeck ce 20 janvier 1358, mais surtout, il semble s'appuyer sur un texte qui a été émis, qui a été publié 11 ans auparavant, les statuts du comptoir des Allemands à Bruges, statuts qui divise ces Allemands en 3 tiers. On a entendu les représentants de notre tiers du comptoir de Bruges. 3 tiers, le tiers de Lübeck, le tiers de Prusse et de Westphalie et le tiers des villes de la Baltique et de la Suède. Et c'est or, ce document stipule que à partir du moment où 2 tiers prennent une décision, le 3e tiers est censé suivre. Sauf que ça, c'est la règle qui s'applique normalement à l'intérieur du comptoir. Là, on est sur des villes qui négocient à l'extérieur du comptoir et prennent cette décision pour imposer finalement leur décision au 3e tiers. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce coup de force politique a fonctionné. Les villes ont massivement suivi et que ce blocus s'est révélé dévastateur pour la ville de Bruges. On peut parler de sanctions économiques. Alors, c'est anachronique sans doute comme expression, mais enfin, c'est l'idée. Oui, alors, c'est l'idée à une nuance près, c'est-à-dire qu'on est, faut pas s'imaginer une communauté internationale comme aujourd'hui qui pourrait, en vertu de certains principes éthiques, je sais pas, les droits de l'homme, la démocratie, sanctionner au sens fort les pays qui ne se conforment pas à ces principes éthiques. Là, on est vraiment sur quelque chose. Les marchands allemands sanctionne entre guillemets les Flamands parce que ils s'estiment lésés dans leurs privilèges. Voilà, c'est ça. Quand même, les privilèges ne sont pas respectés, mais ça se fait pas vite sanction. Et évidemment, dès lors en Baltique, c'est une sacrée effervescence de colère. Navire de la Hanse en vue ! Eh les gars ! Un beau grand navire bourré d'or jusqu'à la gueule. Nous allons vider les coffres de ces cochons de bourgeois, d'accord ? On va leur botter le cul ! À mort la Hanse ! Tout le monde à son poste ! Mettez-vous en position, hissez la grand-voile ! Un clic sur le pont Peter, distribuez les armes, remuez-vous ! Cap au sud-ouest. Parez à l'abordage ! Notre 18e vaisseau attaqué ? Qui sont ces pirates ? Leur capitaine se fait appeler le Corsaire Rouge. On rapporte qu'il maîtrise le vent comme un dieu. Silence ! Présentez-nous cette nouvelle arme. Imaginez un fût en bronze, dont la déflagration expulserait le projectile à plus de 3000 nautiques. Nous l'avons baptisé Canon. C'est canon, ça. Un extrait du film Red Galion, la légende du corsaire rouge, réalisé par Sven Tadiken en 2009. Ben oui, la Baltique devient un enjeu de rivalité commerciale. Je voudrais bien qu'on précise ici, parce qu'il ne faudrait pas qu'on confonde la notion de guerre économique comme économie utilisée comme arme dans le cadre d'une guerre, Tobias Boestad, malgré tout, il y a des rivalités, vous les avez évoquées. Il y a une toile de fond de rivalité européenne, la guerre de 100 ans entre autres, mais il y en a d'autres. Oui, tout à fait, mais surtout là, effectivement, ce qu'il faut bien voir au niveau de la forme que prennent ces conflits, c'est que là, on n'est pas... Alors, il y a des conflits de violence en mer, effectivement, là, qui ne prend probablement pas encore vraiment la forme qu'on a entendue dans cet extrait, mais surtout, ce qui va se passer en 1358-1360, c'est une interdiction de commercer, un blocage qui va être fait à certains points stratégiques, notamment le détroit de l'Øresund, qui est donc ce détroit qui sépare le Danemark de la Suède et qui verrouille la mer Baltique. Donc là, très clairement, les Hanséates, c'est ce qui va leur permettre de conserver pendant longtemps leur monopole sur le commerce baltique, c'est ce contrôle en lien avec le roi de Danemark, avec lequel ils entretiennent aussi une rivalité, puisque le roi de Danemark contrôle les deux rives de cette Øresund, mais du coup, des traités qui leur permettent de bloquer le passage aux marchands hollandais et anglais qui pourraient être intéressés par le commerce dans la Baltique. C'est une histoire qui s'écrit évidemment sur le temps long, avec des moments particuliers, notamment 1358, avec cette mise en place de mesures contre la ville de Bruges. Indravati Félicité, vous êtes historienne moderniste à l'Université de La Réunion, négocié pour exister les villes et duchés du nord de l'Europe face à la France, 1650-1730. Nous avons ici une évolution à prendre en compte dans le temps, c'est-à-dire que les rivalités entre les différentes entités en Europe ont des conséquences commerciales. On peut dire que l'économie est systématiquement prise en compte lors de ces conflits ? Effectivement, dans l'histoire diplomatique traditionnelle de l'Europe moderne, on a surtout pris en compte les évolutions politiques, les changements de frontières, etc. Mais en réalité, comme vous le dites, c'est l'économie qui est au cœur de la diplomatie, au cœur des guerres. Et la Hanse, dès la fin du Moyen-Âge, est un acteur diplomatique important à ce titre. Et ce qu'on constate à l'époque moderne, c'est un retournement finalement pour la Hanse, parce que elle qui avait mené des guerres économiques pour garantir ses privilèges et parfois ses monopoles, devient victime de la même stratégie de la part d'acteurs qui finalement reprennent beaucoup ces manières d'agir. On a parlé tout à l'heure de l'Angleterre de l'époque élisabéthaine. On a vraiment tout au long, dès la fin du XVe siècle, avec une guerre économique de la Hanse à l'époque d'Édouard IV, Richard III, contraint les Anglais à accorder aux Hanséates des conditions économiques extrêmement favorables, très favorables à leur commerce. Et cette situation mécontente fortement les marchands anglais, dont certains commencent à s'organiser un petit peu sur le modèle de la Hanse. On a notamment au XVIe siècle la compagnie des marchands aventuriers, les Merchant Adventurers, qui décident aussi de s'unir pour diviser les risques du grand commerce, du commerce vers le lointain. Et ces marchands sont très mécontents des privilèges dont bénéficient les marchands hanséates, dont on a parlé tout à l'heure, sur des produits stratégiques comme l'exportation de laine anglaise ou des importations de produits importants venus d'Europe. Et c'est ce qui conduit à une guerre économique à la fin du XVIe siècle qui, cette fois-ci, tourne au désavantage de la Hanse. Alors, on l'a dit, cette guerre court depuis plusieurs décennies. À donner l'impression que c'est un, comme on l'a souvent fait dans l'écriture de l'histoire des derniers siècles de la Hanse, que c'est une guerre entre marchands et États, ou formations urbaines, républiques urbaines et États modernes, ou en voie de modernisation. En réalité, ce qu'on constate, c'est que au XVIe siècle, les marchands anglais décide de faire du lobbying auprès de la couronne anglaise pour prendre la place des marchands hanséates, tout simplement. Et les marchands hanséates ont une position très forte à Londres, symbolisée par leur comptoir, le comptoir de Londres. On a parlé de celui de Bruges, de celui de Novgorod. Il y en a un quatrième en Norvège, à Bergen, et celui de Londres est très important. Donc, ce sont les quatre grands comptoirs de la Hanse qui permettent aux marchands d'être sur la place, de contrôler non seulement les circulations de marchandises, mais également des circulations monétaires, d'être présents. Aussi, on a parlé du crédit. Donc, les marchands hanséates sont de grands créditeurs de la couronne d'Angleterre, par exemple, ce qui leur donne une position de force dans le royaume. Et ces marchands hanséates, donc, ne sont plus capables à la fin du XVIe siècle, ils ne se rendent pas compte de la nécessité de poursuivre leur politique de persuasion auprès de la couronne d'Angleterre. Et les marchands anglais, qui ont su convaincre certains membres du conseil d'Élisabeth, eux attendent leur heure et il suffit d'un prétexte. Donc, lorsqu'on découvre, donc ça commence souvent par des histoires de fraude, comme quoi on parlait tout à l'heure des principes qui justifient souvent les embargos, les sanctions économiques. Là, on en a un. Dans les années 1570, on découvre que les marchands en céate, qui ont déjà des conditions très avantageuses pour faire leur commerce en Angleterre, ont permis à des étrangers qui ne sont pas en céate de bénéficier, de se faire passer pour des marchands en céate, donc de bénéficier de ces privilèges, contre, bien entendu, une rétribution, donc une fraude caractérisée. Et c'est ce qui permet au parti des marchands anglais de faire valoir auprès de la reine Élisabeth la nécessité de mettre fin à cette situation de monopole caractérisée, puisque la fraude va permettre de justifier ce qui est toujours compliqué à justifier, c'est le retour sur la parole donnée, donc des traités, des privilèges, etc. Et en 1598, Élisabeth fait fermer le comptoir de Londres, ce qui est un choc pour les Anséates qui ne s'y attendaient pas, qui avaient organisé une diète pour discuter de la situation de leur commerce en Angleterre, mais avaient choisi la confrontation. Mais en face, on a désormais des marchands anglais organisés qui sont en train de pénétrer les voies du commerce en Moscovie, donc la Russie, hein, la compagnie de Moscovie a été fondée quelques décennies plus tôt, et donc ce retournement de situation s'accompagne, justement, comme dans les guerres économiques contemporaines, un petit peu d'une argumentation qui joue sur les valeurs, la morale, donc, mais les valeurs marchandes hein, aussi. Alors, Élisabeth écrit aux villes hanséatiques en les accusant d'avoir fait preuve, donc je cite, d'une grande cruauté envers son royaume, puisqu'elle n'a pas laissé les marchandises anglaises entrer sur les marchés européens, et d'un autre côté, elle a empêché l'importation dans son royaume les Anséates ont empêché l'importation de marchandises stratégiques comme la farine. Donc on voit bien se profiler l'accusation aussi de blocus qui nuirait à toute une population. Et puis il y a donc cette accusation d'opportunisme et de monstruosité avec le crocodile qui apparaît dans les pamphlets de cette époque. Aussi, on voit aussi l'accusation faite aux marchands anséates d'être une mafia. Donc ces premières sanctions économiques très lourdes pour la Hanse commencent avec une véritable guerre juridique qui permet de réduire très fortement les privilèges des marchands anséates en Angleterre. Et ça se poursuit tout au long du XVIIe siècle. On en reparlera peut-être. Ah, les crocodiles ne sont pas seulement sur le bord du Nil, ils sont aussi dans la Baltique. Il s'en passe des choses de Londres à Novgorod. Il s'en passe aussi beaucoup entre les tours de Bruges et Gand. Aïe, Marique, Marique, je t'aimais tant entre les tours de Bruges et Gand. Aïe, Marique, Marique, il y a longtemps entre les tours de Bruges et Gand. Zonderliefde, warme liefde, waaide wind, de stomme wind. Zonderliefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonderliefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht en schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderen land. Ai, Marieke, Marieke, le ciel flamand, couleur des tours de Bruges et Gand. Ai, Marieke, Marieke, le ciel flamand, pleure avec moi de Bruges à Gand. Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderen land. Ai, Marieke, Marieke, le ciel flamand, pesait-il torrent de Bruges à Gand. Aïe, Marique, Marique, sur tes 20 ans que j'aimais tant, de Bruges à Gand. Zonderliefde, warme liefde, lacht de duivel, de zwarte duivel. Zonderliefde, warme liefde, brandt mijn hart, mijn hout harde. Zonderliefde, warme liefde, sterft de zomer, de droeve zomer. En schuurt het land over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderen land. Ai, Marieke, Marieke, reviens le temps, reviens le temps, de Bruges et Gand. Ai, Marieke, Marieke, reviens le temps. Jacques Brel dans le cours de l'histoire sur France Culture. De Bruges à Gand et de Bruges à Lübeck, il y a du rififi chez les marchands de la Hanse. Tobias Boestad, dans ces mesures économiques prises autour de la Baltique et de la mer du Nord, par les villes de la Hanse, contre Bruges notamment, vous nous avez évoqué un succès évident, des formes de blocus. Mais alors là, il y a énormément de paradoxes dans cette histoire-là, parce que ces sanctions économiques, pour utiliser un vocabulaire simple, peuvent avoir des répercussions sur ceux qui les ont prises. Bien sûr. D'ailleurs, c'est une chose qu'André Vallée-Félicité disait aussi à propos de l'Angleterre. C'est-à-dire que le blocus de 1358-1360, c'est un succès total. Les Bruges dépendaient du blé baltique dont on a parlé pour sa subsistance. Donc le départ des Hanséates crée une crise de subsistance. En plus, on est 10 ans après la première vague de la peste. Et là, une deuxième vague de peste survient à Bruges à ce moment-là. Donc la ville est à terre. Les Flamands sont obligés de négocier et de céder sur toute la ligne. Les Allemands sont très contents. Ils récupèrent leurs privilèges. Des privilèges qui sont renforcés, qui sont étendus à toute la Flandre, plus seulement à Bruges, ils obtiennent aussi que les Flamands leur payent des indemnités pour le préjudice subi pendant le boycott. Et les Hanséates deviennent ainsi la nation la plus privilégiée à Bruges, devant les Provençaux, les Espagnols, les Italiens. Sauf que une victoire trop totale n'aboutit que rarement à un compromis durable. Les Flamands vont ronger leurs freins, ils sont évidemment très mécontents de cette issue du conflit, et à la première occasion, ils vont chercher donc à contester ces privilèges, d'où des conflits qui deviennent un peu plus âpres aussi par la suite. Le deuxième facteur, c'est tout de même une construction étatique qu'on observe dans les Pays-Bas bourguignons avec qui est sensible sur le temps long. C'est-à-dire que quand on se situe en 1280, c'est le premier blocus des villes allemandes qui ne sont pas encore organisées dans la Hanse contre Bruges. Là, ils négocient directement avec une ville autonome, Bruges, et ils obtiennent le soutien du comte de Flandre pour s'installer juste à côté, ce qui met évidemment la pression ce qui renforce la pression contre Bruges, tout en permettant aux Hanséates de garder un pied dans la région. En 1356, la situation est déjà différente. Ils étendent le blocus à toute la Flandre, à tout le comté de Flandre, et par la suite, on voit que de plus en plus, ils ne négocient pas avec Bruges, mais avec le comte de Flandre, qui va devenir ensuite, à partir de 1380, le duc de Bourgogne, parce que ce comté va se trouver englobé dans un ensemble territorial beaucoup plus conséquent, qui s'étend de Dijon-Besançon jusqu'aux Pays-Bas. Du coup, avec des princes qui laissent de moins en moins d'autonomie à leur ville, à Bruges par exemple. Donc les Hanséates, s'ils négocient de moins en moins avec Bruges et de plus en plus avec les comtes de Flandre et les ducs de Bourgogne, c'est parce que Bruges n'est plus le principal interlocuteur et l'interlocuteur qui aura le dernier mot. Donc le rapport de force, mine de rien, n'est plus tout à fait le même que quand on négocie avec une avec simplement une ville. Mais le troisième élément, et élément très important, c'est que à force de multiplier les sanctions économiques, voilà, les sanctions économiques à gauche à droite, bah, on va laisser aux adversaires l'opportunité de s'organiser. La première fois, l'adversaire ne s'y attend pas, n'a pas le temps de réorienter ses approvisionnements, mais la deuxième, la troisième fois, ils vont commencer à ouvrir la porte à la concurrence. Et justement, cette concurrence des Anglais, des Hollandais, elle se fait de plus en plus pressante au XVe siècle. Les Hollandais, notamment, se lancent dans la pêche en haute mer au hareng et vont produire du hareng de bonne qualité et moins cher que les Anséates. Ils vont produire de la bière aussi qui vont pouvoir écouler sur les marchés flamands. Et finalement, là où les premières sanctions économiques, entre guillemets, des Anséates mettaient l'économie flamande à terre, la deuxième et la troisième fois, c'est les Hollandais qui prennent la place. Indravati, félicité, vous êtes professeur d'histoire moderne, donc vous arrivez à un moment de cette histoire-là, 17e siècle et après encore 18e siècle, où tout ce que l'on vient d'entendre, eh bien, ça y est, c'est fait. La construction des États, c'est complètement la période que vous étudiez. Et puis ça y est, les autres marchands savent réagir à ces sanctions. Exactement, oui, puisque ce qu'on constate sur le temps long, c'est que la Hanse apprend à faire face aux sanctions économiques dont elle est elle-même victime à partir du XVIe siècle. Et ça se voit très clairement à la fin du XVIIe siècle, lorsque le Saint-Empire romain germanique est régulièrement en guerre avec la France, avec le Royaume de France, sous Louis XIV. Par trois fois, la Hanse fait l'objet de menaces de sanctions économiques de la part de l'empereur, puisque les villes qui subsistent, hein, qui se disent encore villes hanséatiques, ce sont principalement trois villes, donc Lübeck, Hambourg et Brême. Et ces trois villes assurent depuis la guerre de 30 ans, depuis l'année 1629, le directoire de la Hanse. Donc les autres villes leur ont confié, lors d'une de ces fameuses diètes, donc ces assemblées en vue d'une prise de décision commune, leur ont confié la direction de la Hanse jusqu'à des temps meilleurs. C'est ce que vous dites, hein, on sent bien la pression des États, des grandes principautés sur ces villes qui essaient de louvoyer en période de guerre. Et à l'époque des guerres de Louis XIV, c'est très intéressant, les villes semblent être favorisées pour s'insérer dans le commerce européen parce qu'elles ont obtenu non plus des privilèges, c'est-à-dire ce qui était octroyé d'autorité par les souverains, mais elles ont obtenu un traité bilatéral avec le roi de France en 1655. Donc on pourrait croire que leur commerce est ainsi à l'abri d'éventuelles complications lors de guerres et d'éventuelles pressions. Mais c'est l'inverse qui se produit, puisque l'empereur étant en guerre avec la France, l'empereur somme les villes hanséatiques de mettre fin à leur commerce et surtout d'expulser le résident français auprès des villes hanséatiques, un dénommé Bidal, qui vit à Hambourg. Et on sait qu'il y a beaucoup de guerres à l'époque de Louis XIV, ces fameuses guerres de Louis XIV, hein, et donc au moins trois qui touchent le Nord. La première, la guerre de Hollande, qui commence en 1672. Les villes hanséatiques résistent lorsqu'en 1674, l'empereur déclare la guerre à la France, n'expulse pas encore le résident. Finalement, sous la pression des menaces d'amende de l'empereur, donc on voit bien ici les sanctions économiques, les villes s'exécutent. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors ça va être la même chose ensuite pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg, qui commence en 1689 par le sac du Palatinat, donc qui choque beaucoup l'Allemagne, hein, et qui suscite une adhésion autour de l'idée de défense de la nation allemande. Les villes continuent leur commerce. Elles doivent expulser malgré tout le résident français à Hambourg. C'est la même chose au début de la guerre de succession d'Espagne, dans laquelle l'empereur défend les droits de sa dynastie, les Habsbourg, à se maintenir sur le trône d'Espagne. Et finalement, ce sera un Bourbon qui va accéder au trône. Donc pareil, à chaque fois, un ou deux ans après la guerre, les Anséates doivent expulser le résident français. Ils ont très peur des représailles. Mais qu'est-ce qu'on constate si on observe les flux économiques et le fonctionnement des réseaux marchands? C'est que, par exemple, lors de la première expulsion en 1675, l'épouse du résident reste à Hambourg. Et c'est elle qui continue toutes les transactions, et ça va même jusqu'à un point qui est intéressant en termes de sanctions économiques et de leur opportunité au regard de la guerre, c'est que c'est par Hambourg que transitent les subsides français qui financent les troupes suédoises qui sont les alliés de la France et font la guerre dans l'Empire. Donc, on se rend bien compte que les marchands en céate savent contourner ces sanctions et savent même continuer leur diplomatie propre. Alors, paradoxalement, donc ce n'est pas la pression de l'empereur, mais c'est plutôt la pression de la France qui oblige les Anséates à arrêter cette politique pragmatique, puisqu'après la troisième expulsion en 1703, expulsion du résident français des villes anséatiques, que se passe-t-il ? Le roi de France exige que désormais la Hanse se déclare neutre dans le conflit. Et donc se détache de la solidarité avec le corps impérial. Et c'est ça qui crée une nouvelle époque et un nouveau mode d'argumentation juridique au moment des guerres et des sanctions économiques du côté de la Hanse. Les villes de la Hanse demandent à être reconnues comme neutres. Donc c'est la principale évolution du XVIIIe siècle, et c'est un projet de longue haleine avec des négociations menées à la cour impériale par un résident des villes de la Hanse. Donc on voit bien que cette identité hanséatique continue d'exister, elle est présente par l'intermédiaire d'un envoyé lors des congrès internationaux en 1713, la paix d'Utrecht par exemple, qui va mentionner les villes hanséatiques. En 1648 déjà, un envoyé hanséatique avait été revenu lors des congrès de Westphalie, qui sont très importants, qui mettent fin à la guerre de 30 ans et consacrent un début d'organisation internationale différent. Et cette diplomatie tous azimuts, elle s'adresse aussi à l'empereur. Et en 1745, lorsqu'un nouvel empereur est sur le point d'être élu, parce que le Saint-Empire est une monarchie élective, les marchands hanséates essaient d'approcher les électeurs, ceux qui élisent l'empereur, qui sont dans le Saint-Empire, donc c'est un nombre fluctuant entre 7 et 8. Ils essaient d'approcher, et ils y réussissent, ils demandent à ces princes électeurs de mentionner que l'empereur est obligé de protéger avant tout la liberté du commerce sur terre et sur mer. Donc c'est une autre manière de faire passer le message de la neutralité hanséatique en temps de guerre. Donc on voit bien qu'il y a des stratégies d'adaptation. On cherche des interlocuteurs intéressants ou en position de force au bon moment. Et les arguments changent également, puisque c'est assez intéressant de voir les Anséates promouvoir l'idée de neutralité, de liberté du commerce, quand on connaît l'histoire de la grande époque de la Hanse dont a parlé Tobias Bestadt. Le message est bien passé dans cette complexité, en fait, où il n'est pas possible de dissocier tout ce qui est commerce, la guerre, la diplomatie, et puis globalement la politique. Mais en même temps, on peut s'affranchir de ça. Tobias Bestadt, pour terminer, en fait, on sent bien que dans cette histoire-là, tout est question d'équilibre, ce qui dépend des moments, des périodes, des différents acteurs et des intérêts des uns et des autres. Oui, tout à fait. Tout est question de. Je pense qu'on commence à le comprendre. Effectivement, tout est question de compromis qui sont remises en question progressivement par l'évolution des rapports de force, mais une remise en question trop brutale de ces compromis mène presque invariablement à un contre-coup. Oui, et puis c'est une histoire longue parce que la disparition de cette diète, celle de la Hanse à la fin du XVIIe siècle, ne signifie pas que ces réseaux commerciaux disparaissent. C'est simplement qu'ils évoluent et qu'ils s'adaptent sans cesse. Absolument. On constate d'ailleurs que si on regarde simplement le volume net des trafics maritimes dans les villes, dans des villes comme Hambourg ou Riga, ces volumes augmentent, continuent d'augmenter au XVIIe siècle. Ce qui montre simplement que les villes cessent de se rendre à la Hanse, en tout cas certaines d'entre elles, Hambourg, on l'a vu, restent, mais que c'est simplement pour se réinscrire dans d'autres réseaux commerciaux à l'échelle, souvent, pas toujours, des nouveaux États monarchiques qui se constituent à l'époque moderne. Et puis, c'est du commerce, donc on sait bien que la finalité, c'est quand même de garder des sous. Donc, bien sûr, des mesures de rétorsion parfois, mais qu'on sait supprimer quand ça gêne les intérêts. Merci vivement à vous deux de nous avoir conduits en mer Baltique, en mer du Nord. Tobias Boestad, je rappelle, pour le profit du commerce marchand, la genèse de la Hanse, du commun marchand, pardon, vous faites bien de me corriger, pour le profit du commun marchand, c'est publié à la librairie de Rose et Indravati a félicité négocier pour exister les villes et duchés du nord de l'Empire face à la France. Merci vivement à tous les deux. Le voyage continue sur un gros navire sans doute puisqu'il nous conduit jusqu'à Gérard Noiriel, le pourquoi du comment. Comment l'histoire s'écrit sur Internet ? L'histoire occupe aujourd'hui une place importante dans les journaux en ligne qui décryptent l'actualité en faisant la chasse aux fausses nouvelles. Pour la chronique d'aujourd'hui, je me suis permis de décrypter les décryptages en partant d'un exemple simple. Il concerne l'histoire des premiers feux de signalisation routière, que nous appelons familièrement les feux rouges. En menant cette petite enquête, je suis d'abord tombé sur une vidéo mise en ligne sur le site du Figaro Live le 10 octobre 2014 à l'occasion du Salon de l'Automobile, vidéo intitulée « Mondial de l'auto, qui a inventé le feu tricolore ?» On y apprend que le premier feu rouge a été installé à Paris en 1923 et que les feux tricolores ont vu le jour en France 10 ans plus tard. J'ai retrouvé cette information dans la notice de Wikipédia sur les feux de circulation et elle a été diffusée par la plupart des publications en ligne qui se sont intéressées à cette histoire. Elle figure dans des hebdomadaires comme Le Point, mais aussi dans les quotidiens régionaux comme Le Dauphiné Libéré ou Le Républicain Lorrain. On la retrouve sur des sites généralistes comme « Ça m'intéresse », des sites pédagogiques comme le quiz code de la route, même des sites plus spécialisés comme celui de la sécurité routière ou comme AutoNews ou Zéro Tracas MMA l'ont reprise à leur compte. En consultant la presse de l'époque, mise en ligne sur Gallica, le site de la Bibliothèque nationale de France, j'ai constaté que le premier feu rouge avait effectivement été inauguré à Paris le 5 mai 1923. Sauf qu'il ne s'agissait pas vraiment d'un feu rouge comme les nôtres. Le Petit Parisien, par exemple, parle d'un gros phare automobile où, sur un verre dépoli, se détache le mot « halt » en lettres rouges. Cette description nous renseigne sur un point historique important. Étant donné que l'association du rouge et de l'arrêt n'était pas encore intériorisée comme un réflexe par tous les automobilistes, il fallait que la couleur soit complétée par un mot signifiant l'arrêt. Étant donné qu'aucun des articles mentionnés plus haut ne donne une date précise pour le passage au feu tricolore, j'ai poursuivi mon enquête dans la presse de l'époque. Ce qui m'a permis de découvrir un article du Petit Parisien daté du 24 mars 1928 annonçant que le préfet de police de Berlin était arrivé à Paris pour connaître les nouveaux règlements de circulation. Et voilà ce que lui ont répondu les autorités de la ville. « Nous avons des lanternes suspendues au centre des carrefours qui s'éclairent de 3 feux. Le feu vert indique que la voie est libre, le feu rouge signifie arrêt, le feu jaune, attention. » Les journalistes ayant affirmé que les premiers signaux tricolores installés en France dataient des années 30 se sont donc trompés. Pour éviter que le décryptage de l'information contribue paradoxalement à alimenter des fausses nouvelles historiques, il faudrait que ces journalistes non seulement vérifient leurs sources, mais qu'ils citent celles qu'ils ont consultées. Ce serait aussi une façon de respecter le métier de celles et ceux qui passent une grande partie de leur temps dans les archives pour produire les connaissances qui circulent ensuite sur Internet. Citer ses sources. Merci vivement Gérard Noiriel pour ce rappel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission préparée par Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Judès, Gillian Tilly et Mayouen Guizhou. Clin d'œil à Sabine Dahuron de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Ces émissions sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.